Et nous sommes de retour sur les ondes du 103.1 CFMF. On va aller rejoindre notre collaborateur du lundi matin. Bon matin, Yannick! Bon matin, Carl! Comment ça va par chez vous? Ah, ici, on est encore au-dessus du 0 degré Celsius côté température ce matin, malgré que c'est froid. Mais là, tantôt, j'écoutais vous autres. 14 degrés de différence entre la température et le facteur vent, c'est quelque chose. Là. L'hiver est arrivé. Ah, écoute, on peut dire que l'hiver est arrivé. Tu as tout à fait raison. Et ce matin, c'est les vents, là, comme tu disais ici, qui font la différence. Parce que sinon, on a moins 6 degrés sans le facteur vent. Mais on a des vents qui vont à peu près là, 40 km/h jusqu'à 50 parfois. Le plus haut qu'on a atteint là, depuis minuit aujourd'hui, c'est 52 km/h. Donc, c'est pourquoi maintenant, on a moins 20. Là, ça joue entre moins 20 et moins 18. Donc, c'est pas chaud. Je pense. Moi, j'ai passé par le mur ce matin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fermontois qui vont faire ça également pour les gens qui ont l'occasion de travailler dans le mur. Oui, mais c'est ça. Vous avez l'occasion d'avoir une chance comme ça quand même, de pas trop avoir à sortir pour des déplacements. Fait que c'est pas si pire que ça si ça descend en bas de zéro de votre côté. Non, effectivement. Puis le mur en tant que tel est fait pour protéger les vents dominants. Donc quand on est près du mur, c'est pas si mal. On n'a pas ces vents-là à contre-courant. Oui, puis m'a t'avoué, du monde qui était pas trop dans le vent hier, c'était les gars de Key Carbono, hein? Écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai pas vu le match, je l'ai eu en arrière-plan, mais effectivement, ça avait pas l'air trop jojo, puis même chose pour samedi, je pense aussi. Samedi, là, il y a peut-être une dizaine de minutes de jeu en total dans toute la partie pour deux, trois joueurs. Contre les Flyers, on l'avait dit, c'était pas donné la partie. C'est pas un club qui peut être prévoyant comme les Sabres de Buffalo normalement contre qui on jouait hier. Ça a quand même été juste 2-1. C'est pas si pire après une volée de 6-3 récemment. On l'a emporté en shootout, en prolongation, en tir de barrage. Je me demande comment ils ont fait, sérieux. Ben écoute, probablement il y a un élément chance là-dedans. On dit toujours dans le monde du hockey là qu'il y a un certain élément chance. Ben effectivement, ils l'ont emporté en fusillade. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner d'ici la fin de la saison, parce que là, je trouve que, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, il y a des gens qui paniquent en ce moment avec le Canadien de Montréal. Et là, moi ça me choque un petit peu, parce que les gens voyaient cette équipe-là comme étant une équipe qui allait remporter la Coupe Stanley à tout prix. Et là, ils ont connu un début de saison quand même assez incroyable. Et là, ben, ce qu'on se demande, c'est OK, on se rend compte que cette équipe-là est quand même fragile, est capable de perdre des matchs qui, notamment, ils devraient gagner. On n'a qu'à penser à ce revers-là contre les Maple Leafs de Toronto par le pointage de 6-3. Puis encore là, hier, on jouait contre le 30e club du classement général, puis on a eu de la misère à gagner. Effectivement, on a eu de la misère à gagner, puis je pense que Guy Carbonneau va passer un message. Il l'a déjà fait, je crois. Et heureusement. Oui, samedi en plus, puis c'est le fun que t'en parles, parce qu'il a passé le message qu'il avait à passer pour le restant de la saison, et il a dit que là, on s'en va sur la route pour trois parties. On va pouvoir se rassembler, arrêter de lire les journaux, arrêter de lire toutes les analyses, puis de se faire dire qu'on est beau, puis qu'on est bon, puis de s'enfler la tête, puis on va revenir à la réalité. Je pense que Guy Carbonneau a passé un message à tous ces grands analystes de ce monde qui travaillent dans les journaux, les médias, etc. Il les lira pas puis il les écoutera pas cette année. Puis il l'a dit aussi samedi à la conférence de presse, il y a pas la chienne, sauf qu'il se pose des questions, puis comme tu as pu constater hier, il y a eu des changements dans les trios et il y a eu quelques changements dans les habitudes des joueurs aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un voyage comme ils auront là au cours des prochains jours, ben c'est que à ce moment-là, comme tu disais, c'est un peu un des événements rassembleurs, c'est-à-dire que là on est sur la route, il n'y a pas question d'avoir une certaine, je pourrais dire, une routine quotidienne. Bon, les joueurs qui couchent chez leurs femmes, qui se lèvent le matin, prennent le déjeuner avec les enfants. Maintenant, ils vont passer leur temps ensemble et ça parle hockey à ce moment-là. Donc, peut-être que ça va être bon pour eux. En tout cas, du moins, c'est ce que je pense, là, parce que c'est vraiment rassembleur, un voyage sur la route. On n'a pas le choix d'être ensemble et d'essayer de trouver des solutions. On n'est pas brisé par une certaine routine quand on joue par chez nous. Mais c'est souvent aussi ce qui a pu aider le Canadien, leur premier match sur la route après une série de défaites ou après des mauvaises parties. Ça allait un petit peu mieux, puis au retour de la route, les gars continuaient à performer jusqu'à temps qu'il y ait un long break. Les longs breaks aussi, comme il y a eu récemment, des 5-6 jours, 2-3 fois de fil, là, c'est pas trop bon non plus pour les joueurs de hockey, parce que t'as bien beau pratiquer dans n'importe quoi, c'est comme ça. Regarde, t'as fait l'école de radio, t'as fait pendant un an, t'as pratiqué la radio. Je pense que tu performes pas mieux, tu performes beaucoup mieux aujourd'hui parce que t'as été sur le terrain puis t'as fait de la radio. C'est pareil pour le hockey, t'as bien beau pratiquer tes passes, mais si t'es fait pas avec des vrais adversaires, ça donne rien, tu fais juste te tenir en forme. Et si on revient, Yannick, sur la fusillade d'hier, on en parlait un petit peu hors d'onde, là. Oui. Ça a été assez maussade de ce côté-là. J'ai pas vu la fusillade, j'ai pas vu la performance des gardiens de but non plus. Très belle perfo. Oui? Oh oui, oui, oui. Carey Price hier, je crois s'est fait pardonner la majeure partie des erreurs qu'il a faites. Ça n'avait pas été des gardiens là, hier, ça aurait pu finir beaucoup. Il y a eu extrêmement de chances de marquer. Des passes manquées, données, interceptées, sans bon sens. Je me souviens, dans la première période, Tanguy vers Kovalev, vraiment, là, c'était impossible de même penser à faire une passe, puis il a quand même essayé en donnant la rondelle à l'adversaire. C'est arrivé, puis ça a créé un jeu pour Saint-Louis. Il y a eu beaucoup d'erreurs, et en tir de barrage, ça a essayé de faire, regarde, Koivu, il a essayé sa feinte habituelle qui manque jamais, c'est rare qu'il manque, il manque le tir, mais il est capable de tirer la puck. Hier, Niette, il l'a échappé. Ça a été comme ça, puis c'est Kovalev à la fin qui est arrivé, puis ça a passé comme dans du beurre dans le poêle, mon homme. Bang, il est rentré à rondelle. Je pense que lui, il était vraiment tanné. Fallait que ça finisse, puis il restait un tir, c'était 0-0. Fait que c'était lui, là. Qu'est-ce que tu penses, Yannick, de cette formule-là, des tirs de barrage? J'adore! Ah oui? Ah oui, j'adore. Mais ce que j'aime des tirs de barrage, là, c'est après les trois réglementaires qu'il n'y a personne qui a réussi, là, tu tombes en sudden death. Regarde, ça rentre, tu perds. That's it. C'est pas de la pression, c'est un challenge, c'est un défi. L'adrénaline est là pour les joueurs. Tu te dis que tu peux, t'as le sort de la game entre tes mains, finalement. C'est ouais, ça qui fait en sorte que t'as des bons tirs, t'as des bons déjoues, t'as des choses qui sont essayées. Mais la pression sur le gardien de but, par exemple, est quand même assez énorme. En situation de match comme hier contre les Blues de Saint-Louis, c'est tel que tel. Mais quand tu te ramasses en fin de saison, t'es dans la finale de l'Est ou la finale de l'Ouest ou peu importe, tu joues ton septième match, ça se termine en tir de barrage. La pression est très forte là, sur les gardiens de but. Mais comme tu dis, ça donne un spectacle intéressant. En série, par exemple, les tirs de barrage disparaissent. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec la formule des tirs de barrage? Comme tu dis, il y a beaucoup de pression sur le gardien de but. C'est ce qui fait en sorte que, un, l'équipe, ça intéresse pas du tout de mettre de la pression comme ça sur leur gardien de but. Leur gardien de but, lui, il en veut pas, fait qu'il va la gauler la game, puis il va s'arranger pour pas qu'il y ait de rondelles qui rentrent dans le net. Donc, ça fait une autre forme de chimie. T'sais, c'est impossible que la partie se finisse nulle. Fait qu'il faut que tu ajoutes, faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne la partie à la fin. Ben ça, on détient ça un petit peu du football ou n'importe quel autre sport. Je pense au baseball. Un match de baseball, ça termine jamais nul. Les gens aiment ça quand ils vont voir... Parce que c'est plate, là. Tu dépenses 150-200$, tu vas voir un match, puis ça finit nul. Ça finit 0-0, ça finit 3-3. Y a-tu quoi plus plate que ça? Ben, oui, il y a des choses plus plates, mais pour un amateur de sport, c'est comme avoir regardé ça à la télévision ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de grosse... Il n'y a pas de grosse foule en délire à la fin, que ce soit qu'ils ont gagné ou ils ont perdu. C'est juste que la personne retourne chez eux, bredouille comme ça. C'est 4-4, mais peu importe qu'il y ait 12 buts dans la partie, ça finit 0-0. Donc, quoi qu'il en soit, là, le Canadien de Montréal qui va entreprendre, comme tu disais cette semaine, un voyage en fait de deux matchs oui, à l'étranger. Le voyage a commencé hier à Saint-Louis. On a vu une petite amélioration. On continue sur la route pour la semaine. On revient à Montréal samedi, si je me trompe pas. Contre les Bruins de Boston. Oui, les Bruins qui nous ont, excusez encore une fois le mot, mais qui nous ont torchés. Hey, j'ai eu honte. Ben, les Browns, c'est une bonne équipe, Yannick, quand même. Il y a beaucoup de fans qui vont être, pas fans du Canadien, mais de hockey, qui vont être d'accord avec moi, c'est que j'ai vu les Browns de Boston en série, là, la dernière fois, là. Oh, effectivement. Hey, ils menaient 4-1, là. C'est wow, qu'est-ce qui se passe, là? Les Browns mènent 4-0. On a failli avoir un blanchissage dans cette partie-là. Ça n'avait pas de bon sens. Ben, le Canadien jouait un petit peu sur les talons aussi là, lors de cette rencontre. C'était jeudi dernier, si ma mémoire est bonne, là, le 13 novembre, pour être bien précis. Effectivement, ça a été un spectacle désastreux pour le Canadien de Montréal. On verra qu'est-ce que ça va donner maintenant du côté du Centre Bell, parce que là, justement, on va revenir au Centre Bell avec l'esprit qu'on s'est fait torcher, comme tu dis, face aux Bruins de Boston. Donc, j'espère bien que les joueurs de Guy Carbonneau vont vont s'être relevés. Faut dire que s'ils sortent vainqueurs, s'ils vont chercher les 6 points dans les 3 matchs à l'extérieur, ça va déjà être une motivation de plus là, contre les Browns à domicile, parce qu'ils vont chercher la victoire mardi contre les Hurricanes, jeudi c'est contre les Sénateurs, ça peut être intéressant là. Oui, puis autant que les Canadiens ont pu avoir des quatre défaites en 5 matchs ou des cinq victoires en 6 matchs, revenu de 5 points en arrière pour gagner par un point, écrire des pages d'histoire comme ça, il y a de quoi qui va se passer, mais là le Canadien est instable présentement, puis il doit être en train de se demander est-ce qu'on torche cette année ou on va se faire torcher. On est dans cette passe-là, mais ça arrive à tous les années, on part en mouton, on part en lion, on finit pratiquement en mouton, mais il y a de quoi à la fin de la saison. Une adrénaline supplémentaire qui fait en sorte qu'on est capable de donner un dernier coup puis de rentrer en série. Ouais, c'est sûr que moi personnellement là, je suis convaincu que le Canadien va rentrer en série éliminatoire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, j'ai dit en 6 cette année. Comment? 6e position cette année que j'ai dit. Ah oui, c'est quand même assez surprenant parce que plusieurs spécialistes les placent premiers dans l'Est. Mais bon, bref, ça pourrait arriver, là. On sait où qu'on plaçait le Canadien de Montréal l'année dernière et on sait où qu'ils ont terminé. Hein. C'est ça, mais les grands analystes, c'est vrai que le Canadien a l'équipe pour finir dans les premiers. Sauf que ils ont l'équipe pour finir où qu'ils veulent, moi je dis. Fait qu'ils vont finir à peu près au milieu pour avoir des séries pas si pires. Est-ce que tu penses qu'avoir une mauvaise séquence comme ils ont actuellement, c'est mieux de l'avoir en début de saison ou à la fin de la saison? Ben oui, c'est bien mieux en début de saison parce que t'as quand même un certain temps avant que tes parties soient comptées. Quand ça arrive en fin de saison, tes parties sont comptées, fait qu'une erreur peut être fatale. Mais c'est vrai également en début de saison. Début de saison, c'est plus facile à rattraper. Tu sais, tu perds la première partie de la saison, bon, tes fans sont désappointés, OK, mais t'as le temps de te rattraper à la deuxième, à la troisième. Moi, je dis que à partir du mois de janvier, là, si vraiment il se passe rien avec le Canadien, là, on va commencer à se poser des questions. Mais jusqu'au mois de janvier, la majeure partie des équipes, même jusqu'à la date des échanges, là, en février, là, à partir de là, tes parties commencent à être pas mal comptées. Oui, effectivement. Puis il faut dire que l'aspect blessure aussi qui rentre en ligne de compte au cours de la saison, ça peut changer la donne. Hey, Yannick, en terminant rapidement, quelques mots sur le Grand Prix de Montréal. On a appris hier que c'était annulé. Effectivement, puis il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On a bien beau essayer. On avait essayé pour les expos, le gouvernement n'a pas voulu cette fois-là. Ils ont voulu essayer, ça ne marchera pas. Non, effectivement, et là, il y a beaucoup de commerçants qui se retrouvent avec un événement d'envergure en moins dans leur rang, parce que pour les commerçants, entre autres de la rue Crescent, c'était quelque chose d'assez intéressant, merci, là, des retombées économiques dans les millions de dollars. Et là, ce qu'on doit faire maintenant, je pense, c'est de trouver peut-être un événement qui va pas nécessairement pallier à l'absence du Grand Prix de Montréal, parce que on s'entend, entre toi et moi, qu'un événement, outre que les Jeux olympiques ou quelque chose comme ça, ça ne pourra pas avoir autant d'impact que le Grand Prix du Canada. Ça, ben c'est là, sûr on l'a certain. Déjà, l'événement. C'est juste que là, la population capote parce que c'est le Grand Prix, c'est de la F1. Mais si on regarde au cours des dernières années, là, depuis que le NASCAR est arrivé au circuit Gilles Villeneuve à Montréal, là, la tendance au NASCAR est extrêmement à la hausse dans la région. Le sport NASCAR en tant que tel reprend de la popularité et l'événement donne quand même de très bonnes retombées économiques. Ils vont réussir à le patcher en tant que tel, là, à subvenir aux besoins des commerces par le NASCAR. Ça sera intéressant à surveiller. Effectivement, comme tu dis, le NASCAR, c'est quand même assez intéressant au niveau de la course automobile. Hey Yannick, je dois te laisser parce qu'on va faire les conditions routières, nous, dans quelques minutes, avec le ministère des Transports. Oui, vous avez besoin de cette information-là. Fait que je vous laisse avec cette pensée du jour. Manquez pas ça. Dimanche prochain, la Coupe Grey à Montréal. Oh! Et les Alouettes, je ne me trompe pas, les Alouettes fêtent leur 50e en plus. Donc, la Coupe Grey à Montréal contre les Stampeders de Calgary. As-tu vu le match samedi, Yannick? Pardon? As-tu vu le match samedi? Non, malheureusement, samedi, moi, dans la région où je reste, je travaille quand même dans le domaine de la promotion et je suis l'attaché de presse du Père Noël. Sans jeu de mots, là. Partout et j'ai pas pu, malheureusement, regarder la partie. J'ai vu les faits saillants. Yannick, c'était inquiétant. Je dois te dire, c'était un petit peu inquiétant. C'est les unités spéciales qui ont fait la différence. Ah donc, oui? Ça sera à surveiller, je pense, à la Coupe Grey. C'est pas gagné d'avance. Moi, je dis qu'on est un petit peu chanceux de se retrouver en finale samedi. Parce que c'était pas. C'était Dadon, fallait que ça arrive. On n'avait pas le choix. Effectivement, tu as tout à fait raison. Il y avait quoi, à peu près 30 000 personnes qui étaient présentes là, au Stade Olympique de Montréal en fin de semaine. C'est sûr qu'il y avait quelques sièges vides parce qu'on attend la grosse foule dimanche prochain. Oui, puis garde le stade, là, pas sûr qu'il tienne. Je pense que c'est la fin du stade olympique. Ben écoute, Ça va. on va peut-être le voir sous ces derniers jours. Oui, ça va brasser sérieusement, là. Il y a de l'action qui se prépare, puis autant sur place que dans les bars, là, ou dans les restaurants qui présentent ça, là. Ça va brasser. Je suis sûr et certain que les Alouettes vont entendre les encouragements du Québec au complet, tellement que les villes sont rendues football. Tu sais, le slogan La ville et hockey a été copié, là, finalement, par le Journal de Montréal. C'est le Québec et football au complet, là. Ah oui, effectivement. Et comme tu dis, même moi, je suis pas le plus grand fanatique de football au monde. Je connais pas grand-chose dans les stratégies. Je connais à peu près le but du jeu. Puis j'ai suivi ça avec attention en fin de semaine et ça a vraiment suscité mon intérêt. Et puis ça serait intéressant de suivre ça là, samedi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec impatience. Oui. Donc Yannick, on va se dire nous à lundi prochain. On va parler Oui, on de d'autres choses en fait. Bon, on va revenir sur la Coupe Grey, c'est sûr et certain. On va sûrement parler de la Coupe Vanier aussi. Puis on va revenir, là, on va lâcher un peu les sujets d'actualité trop communs. Là. On va revenir avec probablement quelque chose du bizarre. Bon, ben c'est bon, de l'insolite. Oui, il Ah, y c'est en bon a des ça. fois, là, qui c'est vraiment insolite. On Ah, ça dit. n'a pas de bon sens. Ça risque d'être un moment d'humour lundi prochain, donc manquez pas ça à 6h40. Mon collègue Carl Gagné-Côté ici, lui qui anime l'émission du Retour à la maison, a bien le tour, en tout cas le vendredi, là, d'aller chercher toutes sortes de nouvelles insolites. Moi, je trouve ça drôle à chaque fois, des affaires qui n'ont pas de bon sens, des enfants qui ont 12 orteils, 8 pouces, puis toutes sortes de patates. Donc, ouais, ou c'est quelqu'un bien comique. qui voit double et qui ferme un œil pour mieux voir. Ah, effectivement. Des trucs comme ça. Donc, on se reparle journée, lundi, Yannick. Je te souhaite une bonne semaine. Toi aussi. OK, bye bye. Bye bye.